Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gourmet du Pré 1862. Question 39. Du baptême reçu par le Christ. Motifs qui ont porté notre Seigneur à se faire baptiser par Jean. Pourquoi il a voulu être baptisé dans sa 30e année? Pourquoi il a voulu naître dans le fleuve du Jourdain? Les cieux s'ouvrent, symbole. Le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, voix du Père. 1. Convenait-il que le Christ fût baptisé? Jésus vint de la Galilée sur les bords du Jourdain vers Jean, afin d'être baptisé par lui. Matthieu 3:13. Bien que le Christ n'eût pas besoin pour lui-même d'être baptisé, il convenait qu'il le fût, pour sanctifier les eaux par le contact de sa chair et leur donner la vertu baptismale, en faveur de ceux qui devaient recevoir le baptême. D'un autre côté, il avait pris une nature pécheresse et une chair semblable à celle du péché. Si le baptême ne lui était pas nécessaire, la nature qu'il avait prise en avait besoin chez les autres hommes. Il a voulu, disait saint Grégoire de Nazianze, plonger dans l'eau le vieil Adam tout entier. Il convenait enfin qu'il se fît baptiser, pour nous encourager par son exemple à recevoir le baptême qu'il nous impose à tous. 2. Convenait-il que le Christ fût baptisé par Jean? Il suit de ce qui précède que le Christ devait recevoir le baptême de Jean qui se conférait dans l'eau, et non le baptême qu'il a institué lui-même. Ayant reçu, dès le premier instant de sa conception, la plénitude de toutes les grâces, il n'avait pas besoin d'un baptême spirituel. Il a voulu recevoir celui de Jean pour l'approuver, et pour conférer aux siens la grâce de la sanctification. Note. Il ne convenait pas que le Christ, la vérité même, reçut le baptême figuratif des Juifs, ce qui ne se passait qu'en figure ne lui était pas propre. Entre son baptême, qui était le plus parfait, mais dont il n'avait pas besoin, et le baptême simplement figuratif de la loi, il choisit comme plus convenable pour lui le baptême intermédiaire, par lequel Jean exhortait les hommes à s'éloigner du péché. Fin de la note. 3. Le Christ a-t-il été baptisé au temps convenable? Il convenait que Jésus fût baptisé vers l'âge de 30 ans, et voici pourquoi, il recevait le baptême comme devant commencer son enseignement et sa prédication. Il fallait pour un tel ministère un âge mûr, 30 ans environ. Joseph avait 30 ans quand il reçut le gouvernement de l'Égypte, Genèse 41-46. David avait 30 ans quand il monta sur le trône, 2 Rois 5-4. Ézéchiel avait 30 ans quand il prophétisa pour la première fois, Ézéchiel 1-1. En second lieu, la loi devait commencer à disparaître après le baptême du Christ. Comme ce divin sauveur ne voulait pas être accusé de l'avoir abrogé pour n'avoir pu l'observer, il dut se faire baptiser dans un âge où toutes les fautes sont possibles. Troisièmement, en recevant le baptême à l'âge de l'homme parfait, il nous donnait à entendre que le nôtre produit des hommes parfaits, selon cette parole, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité d'une même foi et d'une même connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'un homme parfait, à la mesure de l'âge de la plénitude du Christ. Éphésiens 4:13. Note. Il nous enseignait aussi la foi et l'humilité, la foi, en montrant la réalité de sa nature humaine, l'humilité, en nous apprenant par son exemple à ne point recevoir les dignités et à ne point nous charger d'enseigner avant l'âge de maturité. Fin de la note. 4. Le Christ devait-il être baptisé dans le Jourdain? Il a été convenable que le Christ fût baptisé dans le Jourdain, pour nous faire comprendre que le baptême nous donne entrée dans le royaume de Dieu, car, par ce fleuve, les enfants d'Israël entrèrent dans la terre promise, figure du royaume des cieux dont il est parlé dans ce texte. Celui qui ne renaît pas de l'eau et de l'Esprit Saint ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3:5. Ce furent ces eaux que divisa Élie avant d'être enlevé au ciel sur un char de feu. 4. Rois 2. Il convenait, comme on le voit, que le Christ y fût baptisé. Note. Pourquoi le Christ ne fut-il pas baptisé dans la mer Rouge, où les Égyptiens furent engloutis comme les pêchés le sont dans le baptême? C'est que si le passage de la mer Rouge figurait le baptême qui efface les péchés, celui du Jourdain annonçait le principal effet du baptême, qui est de nous ouvrir le ciel. Fin de la note. 5. Les cieux ont-ils dû s'ouvrir après le baptême du Christ? Saint Luc 3:21 dit, Jésus étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit. Puisque le baptême du Christ avait pour but de consacrer celui que nous devions recevoir, il fallait que nous vissions ce qui se rapporte à l'efficacité de ce dernier. Les cieux s'ouvrirent, pour montrer tout à la fois que la vertu céleste sanctifierait désormais notre baptême, où la foi de l'Église nous ferait découvrir les célestes mystères qui échappent à nos sens et à notre raison, et qu'un tel sacrement, appelé le sacrement de la foi, nous ouvrirait la porte du ciel, fermée par le péché du premier homme. De plus, par ces paroles, Jésus étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit, il nous est enseigné, premièrement, que la prière nous est encore nécessaire après le baptême, si nous voulons entrer réellement dans les cieux, d'où le germe du péché. Le monde et les démons concourent à nous écarter. En second lieu, que le baptême nous ouvre le ciel en vertu de la prière du Christ, comme l'insinue l'Évangile en disant, le ciel lui fut ouvert, parole qui signifie que le ciel fut ouvert à tous, à cause de lui. 6. Convenait-il que l'Esprit Saint descendît, sous la forme d'une colombe, sur le Christ baptisé? L'Esprit Saint, dit Saint Luc, descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. 3:22. La descente du Saint-Esprit avait pour but, en cette occasion, de nous révéler que tous ceux qui recevraient à l'avenir le baptême du Christ avec une âme droite et sincère recevraient l'Esprit Saint. Ce que Saint Jean lui-même marquait par cette parole, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Matthieu 3:11. Pour cela même, il convenait que l'Esprit Saint descendît visiblement sur le Christ après son baptême. Note. La forme qu'il emprunta était le symbole de la simplicité et de la paix. La colombe nous est proposée comme un modèle de simplicité par notre Seigneur, quand il nous dit « Soyez simples comme des colombes ». Ce fut elle qui apporta un rameau d'olivier pour annoncer la fin du déluge et le retour du bonheur sur la terre. Il est beau de la voir apparaître ici pour désigner aux hommes le libérateur promis. Les choses spirituelles sont montrées au début sous des formes sensibles, afin que, si plus tard les mêmes apparitions ne se renouvellent pas, les gens incapables de s'élever à la connaissance du monde invisible aient la foi d'après ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit descendit sur le Christ sous une forme sensible, pour que les hommes crussent, dans la suite, qu'il descend invisiblement sur tous ceux qui reçoivent le baptême. Il est inutile de remarquer qu'il ne s'unit pas hypostatiquement à la colombe, comme le Verbe s'était uni à notre nature. Fin de la note. 7. La colombe qui servit à la manifestation de l'Esprit Saint était-elle une colombe véritable? L'esprit de vérité ne s'est pas montré sous une apparence trompeuse, il a formé une véritable colombe pour apparaître sous cette forme, quoiqu'il ne l'ait pas unie à sa personne. Il n'était pas plus difficile à la toute-puissance divine, qui a tiré tous les êtres du néant, de créer le vrai corps d'une colombe, en dehors des lois de la nature, que de former, par son action seule, un vrai corps humain dans le sein de Marie. 8. Convenait-il qu'après le baptême du Christ le Père fit entendre sa voix? On lit dans le texte évangélique, « Voilà qu'une voix vint du ciel, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance. » Matthieu 3:17. Le baptême du Christ était le type et le modèle d'une autre, qui est consacrée par l'invocation et la vertu de la Sainte Trinité, selon cette parole, « Allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » Matthieu 28:19. C'est pour cela que le mystère de la très sainte Trinité y fut révélé. Le Seigneur est baptisé, l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe, et le Père fait entendre sa voix, rendant témoignage à son Fils. Cette explication montre qu'il était convenable qu'au baptême du Christ le Père se manifestât par la parole. Note. À notre baptême, comme à celui du Sauveur, les portes du ciel s'ouvrent, le Saint-Esprit descend sur nous, et le Père nous adopte pour ses enfants. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.